personnel et confidentiel. Il y a la morale, la bonne volonté, l'intégrité. Et puis, il y a la jeunesse, la vie, les sentiments, l'insolence et l'esprit frondeur. Faustine n'est pas à l'abri des contradictions paradoxales. Et puis, des deux, ce n'est pas à elle d'être la plus raisonnable, n'est-ce pas? Comment ne pas se laisser séduire? Maxime est à la fois un artiste talentueux, un bûcheur infatigable, un bricoleur de génie, un aficionado du système D, non dénué d'humour et d'espièglerie. Faustine, dans son genre, n'a pas froid aux yeux et apprécie toutes les astuces permettant d'agrémenter la vie. Les subterfuges combinent et stratagèmes divers qui requièrent un peu de jugeote et de malice, elle adore ça. Dans une France qui clame « on n'a pas de pétrole mais on a des idées » et qui applaudira le 10 mars suivant l'évasion spectaculaire d'Albert Spaggiari du palais de justice de Nice, elle n'est pas la seule à préférer les voleurs aux gendarmes. En outre, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Un jour, Faustine apprendra que sa très chère maman, à une certaine époque, s'était spécialisée dans le cambriolage de villas avec son mari et leur meilleur ami. Le trio dont les deux garçons s'étaient formés dans un cirque opérait sans effraction. Souples et filiformes, les coquins passaient partout. Les propriétaires dépouillés mettant des lustres avant de réaliser qu'il leur manquait des billes, et donc de porter plainte, le trio sévira plusieurs mois en toute sérénité. Quand il sera pris, parce que tout finit par arriver, maman ne devra qu'à sa grossesse de ne pas écoper de plusieurs mois de prison ferme. La mention « née en prison » aurait tout de même fait tache sur le curriculum vitae de Faustine. Son père n'aura pas cette chance, qui sera condamné, mais prendra la fuite au Canada. Avec un tel pédigré, il n'est pas impossible que Faustine ait, sans le savoir, hérité de quelques gènes facétieux ainsi que d'un sens moral relativement élastique. À l'occasion, elle ferait bien de se lancer dans l'étude de la psychogénéalogie afin de comprendre le pourquoi du comment. En attendant, quand elle retrouve Maxime au pied bleu, Faustine applaudit, mentalement, lorsqu'il lui raconte qu'il a retardé les aiguilles du réveil posées sur sa table de nuit et qu'ils ont deux bonnes heures devant eux. Un autre samedi, après la soirée, Maxime lui demande de fermer les yeux et la guide à travers les ruelles du vieux Cagne jusqu'à une ravissante petite maison habillée de glycine. Il sort une clé de sa poche et y entre sans façon. Faustine s'étonne. « Tu la tiens d'où, cette clé ?»« De ma belle-mère, elle fait le ménage ici. Je me suis procuré un double de ses clés à toutes fins utiles. Sympa, hein ?» Maxime l'appelle la maison suisse. Les propriétaires sont des jeunes voix qui y mettent rarement les pieds. C'est un logis superbe, incroyablement luxueux, joliment décoré. Faustine trouve l'aventure terriblement excitante et romantique. Elle aime imaginer qu'elle est chez elle pendant ses heures volées. Qui veut voyager loin marche à l'ombre. Maxime prend l'habitude d'assurer ses arrières. Il laisse toujours sur le siège avant de sa voiture un paquet de biscuits et un journal. Cela lui permet de justifier une éventuelle sortie pour le cas où son épouse lui ferait la surprise de venir à sa rencontre en taxi. De plus, comme elle s'assure tous les soirs qu'il n'a pas dépassé le kilométrage effectif entre son bureau et leur domicile, il débranche systématiquement les fils du compteur. Pas de compte à rendre, pas d'explication, pas de mensonge. Les deux amants ne manquent pas de ressources pour se voir à la sauvette. Au moins une fois par semaine, ils déjeunent ensemble, à Tourette-sur-Loup ou dans les bois de Saint-Janet. Quand il fait assez chaud pour pique-niquer, Faustine prépare une salade de pommes de terre agrémentée d'un morceau de fromage. Elle sera suivie d'une amandine en guise de dessert. Cette dernière, délicieuse tartelette aux amandes et à la confiture, devient très vite incontournable. Que ce soit dans l'un ou l'autre endroit, les amoureux trouvent toujours un sous-bois ou un terrain dégagé à l'abri des regards, avec le soleil comme seul témoin de leurs ébats. Il arrive que Maxime soit envoyé dans la succursale de Montpellier pour une journée. Au lieu de prendre l'avion du soir, comme il le laisse entendre chez lui, il rejoint Faustine à la Marie-Garde et passe la nuit chez elle. Elle se fait une fête alors de lui préparer une dinette. Tenir un homme par l'estomac est un alage qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Le lendemain, exténué, comblé et avide de recommencer, Maxime repart à l'aube. « Ça plane pour moi !» chante Plastique Bertrand. Bien entendu, le samedi soir est consacré au jazz. Faustine et Nathalie s'en donnent à cœur joie aux pieds bleus. Sirotant la sangria maison à volonté, un peu trop peut-être, dansant des bebop endiablés au premier étage avec d'autres jeunes passionnés, interrompant parfois la soirée par une visite à Valérie, la maîtresse du pianiste. Valérie, qui est moins passionnée de musique que ses deux complices, préfère attendre son amant chez elle. Elle se déplace depuis Marseille pour le voir 2 heures par semaine. Voilà qui laisse Faustine pontoise. Le plus marrant, c'est que pendant que le pianiste retrouve Valérie en ville, il prête sa propre clé à Faustine et Maxime. Architecte de métier, il possède une magnifique maison sur le toit de laquelle il a fait aménager une piscine. La chambre d'amis ouvre dessus. Devinez qui profite des joies d'une baignade au clair de lune? Comme il le lui a demandé, Faustine écrit à Maxime plusieurs fois par semaine. Elle envoie les enveloppes libellées, personnelles et confidentielles, directement à son bureau, sûr qu'aucune secrétaire ne se permettra de les ouvrir. Maxime répond dès que son travail lui en laisse le loisir. Il écrit bien, il aime cela, et très bientôt sa relation avec Faustine s'enrichit de ses échanges épistolaires. À des missives souvent courtes et efficaces, Faustine répond par des romans fleuves. Se risque-t-il à élaborer des poèmes à la Prévert? Elle répond à la manière de Baudelaire. Presque chaque soir, une missive attend la jeune femme dans sa boîte aux lettres. Au papier, elle confie tout. Ses craintes pour leur non-avenir, ses coups de gueule, ses passions, ses questionnements. Elle partage les livres qu'elle lit. En ce moment, E égale MC carré de Patrick Covin, alias Claude Klotz, qu'elle vient de découvrir. Elle s'en amuse. Il s'en amuse et lui propose Hervé Bazin, Qui j'ose aimer, ou encore Le matrimoine. Elle fait connaissance avec la vraie misogynie qu'elle devine, mais ne démasquera que bien plus tard. En attendant, elle se révolte, prétend qu'elle ne deviendra jamais, au grand jamais, la méragosse tant méprisée de Bazin et des autres. Elle saura rester, elle, envers et contre toutes, une compagne, une maîtresse, une complice. Lui se moque. Tant qu'il t'arrivera de lire nous deux aux confidences, tu ne vaudras pas mieux que la Germaine modèle courant, la ménagère de moins de 50 ans. Elle rétorque avec des arguments tirés de Cosmopolitan, qu'il a vite fait de démolir en riant. Elle oublie qu'il a 15 ans d'avance sur elle en matière de cynisme. Jusqu'au jour où elle tombe sur le dernier Benoît de Groult. Ainsi soit-elle. Elle lui en fera sacrément baver avec celui-là, pendant des semaines et des semaines, lui demandant des comptes à lui, comme s'il portait sur les épaules l'entier de la duperie masculine depuis que l'homme marche sur ses deux pattes. Il se défend comme un beau diable, démolissant une par une les assertions de son joli procureur. Il n'empêche, ils apprennent à se connaître, à se construire. Pire, ils s'attachent, lentement mais sûrement. Avec cette différence que si lui est encore aveuglé par ses hormones, elle pense déjà mariage, famille et home, sweet home. Nonobstant ce léger détail, il prétend qu'elle le rend meilleur, qu'elle lui donne envie de se surpasser. Etc. Disons.